Normalement je joue du coup Thank you. 7 acoustiques. Les meilleurs tubes que tu peux jouer. Ton Bender, vous jouez. Et c'est magique. Ah! Thank you. Thank you. Je suis Thank you. Thank you. permettre au quadriciste de rejouer. Il n'y en a aucun. Ah mais c'était calé. qui a vraiment fait ça bien. Depuis que tu t'es inscrit à l'atelier slam, Thank you. Tu dis quoi? C'est pas grave, si ils sont trop. Mets une belle boucle pour finir. Fais comme d'hab, fais comme d'hab. Oh le lèche-cul, quoi. Le suce-bout, quoi. Il râle. Le problème de la classe. Ça va, t'as eu 2 heures pour t'exprimer là. Si je t'emmerde. J'avoue, il y a grave un vieux fond de la classe là. En fait, il voudrait un rappel. Moi, je suis à côté du professeur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien comme ça, non? Bah. Et ta réverb, tu l'as piqué à Mormenda? Ouais, il l'a copié. Il l'a copié? C'est ma source d'inspiration. Je comprends. C'est Bernard Fort. Faut dire qu'il a pris du niveau. Bernard Fort? Le mec. Mais moi j'ai une autre pièce à ce que tu m'as dit qu'il y a Hugo. Hugo? J'attends un peu. Hugo? Mais en stéréo, des RCA. Non, on peut peut-être la spatialiser. Elle est Hugo, ça me bossait dessus. Moi? Ouais, j'ai pas envie de Je suis en train de faire un algorithme de ouf. Je sais, laissez dans la boîte. Arrête de retard, Thibault. On a fermé les portes-clés, ça sert à rien. Avec quoi je passe à droite? Il n'y a pas de RCA dehors. On va faire un groupe AD. Dans la mid-side. Dans la mid-side. Et là, ça enregistre. Merci. Tu pourras faire un nouveau projet avec Amélie. Oui, ça s'appelle... Un sac. Voilà. De Philippe Grand. Guillaume. Tu vois là, ouais. Guillaume, si tu nous entends. Cette soirée. Ça manque pas. Le mec qui veut se barrer parce qu'il pense qu'il va s'en sortir. Thank you. Thank you. Thank you. Ces fameuses impros. L'allemand, il est parti. Il y a peut-être Hugo, très loin. Hugo, il fait son sarcophage. Comme des sarcophages. Hugo. Hugo. T'as capté le logiciel de spatialisation, là. T'as suivi le cours tout à l'heure. Absolument, je ne pas. C'est grave, la bouche. La bouche. Tu vois, t'as 4.5, et ben en fait, le son, il tourne. Joystick, les deux points là, tu les fais. Je peux faire des 100%. T'as suivi ça? Nous, on a rien, on a rien. Attendez, j'arrive. Eh ben, t'as pas un petit truc. Il a pas, Charlie? T'as pas une petite